La base prod, c'est l'heure du crime. Fais attention, boy. Fais attention. Hey boy, écoute, fais attention. L'argent facile nous a mené au crime. Nous a mis sous pression pour des centimes, boy. Tu kiffes l'argent sale, tu t'en excuses de ton putain de train de vie. Réagis, gangster, t'as fait pleurer la maman. Malade de te laver ton linge alors t'es au placard, boy. Préviens les autres car y'en a marre. Des histoires stupides, des histoires de fric. Changer de puce, de chubby, les affaires de stup. Tu kiffes les verres et nocturnes en cap sur Paname. Avec tes soldats pattes qui montent la gamme. Tu kiffes éclater leur gueule sur les pare-brises et t'arracher par la fenêtre quand y'a une perquise, boy. Tu kiffes défier la PRP, le tarpé à la ceinture et tourner dans le quartier, boy. Fais attention, mauvais garçon. Je connais la chute, boy. Si le son est bon et que t'apprécies, c'est un bad boy. Tu cherches la maille, le pactole. Jamais tu braques, boy. Mets de la vie d'un bad boy. Fini comme un bad boy. Fais attention, mauvais garçon. Je connais la chute, boy. Si le son est bon et que t'apprécies, t'es un bad boy. Tu cherches la maille, le pactole. La nuit tu braques, boy. Mets de la vie d'un bad boy. Fini comme un bad boy. Hey boy, tu kiffes le crime, les films morbides. Et quand ça tire sur les flics pour de la cam ou du fric, boy. Tu kiffes le rap, boy, les bitches dans les clips gras. Les soirs quand la bulle, les vapeurs de shit main. Les caisses de poche, les caisses claires et pâtes. Et nos styles et nos lèvres excrates sont des grosses batteries de dingue. Tu kiffes les tasses, les gâteries, l'intrigue, les strings. Des capricieuses puis les belles cicatrices, boy. Fumer des spliffs, tu kiffes la vie en speed man. L'anonymat et puis l'instinct animal. Tu kiffes les cas et la menace tout. Éclate la jonca, les calibres, les grosses liasses. Et les nuits blanches à Pattaya, boy. La vie en marche, tu kiffes à mort l'anarchie. Les médailles hors massif et les breakers de pharmacie. Les règlements de compte à la state dans un BM en tracite, si. Kiffe ça, négro, apprécie le style. Fais attention, mauvais garçon. Je connais la chute, boy. Si le son est bon et que t'apprécies, c'est un bad boy. Tu cherches la maille, le pactole. Jamais tu braques, boy. Mets de la vie d'un bad boy. Fini comme un bad boy. Fais attention, mauvais garçon. Je connais la chute, boy. Si le son est bon et que t'apprécies, t'es un bad boy. Tu cherches la maille, le pactole. La nuit tu braques, boy. Mets de la vie d'un bad boy. Fini comme un bad boy. Et bad boy, putain, c'est chaud. T'aimes pas l'école, tu kiffes les wesh wesh, yo négro. T'aimes pas les flics, les profs, les instits, les petites putes et les lois. On sait que tu kiffes les bling bling. Et ouais, c'est ça, boy. T'aimes pas grossir les faibles. T'aimes pas parler ton znesby quand t'es fodard. T'aimes pas qu'on t'appelle sur ton portable. Comme d'hab, ils voteront pour toi. T'aimes pas les mythomanes. Tu kiffes la funk, le rap bouger comme Snoop. Grain de café, fusil à pompe quand les histoires sont troubles. Quand il y a drap, fuck la police. T'aimes pas leur politique et c'est le cercle vicieux, boy. Hey. T'aimes pas l'amour, boy. Tu kiffes les sex, story love, story dans les caves ou dans les loges. Tu kiffes trop les Porsche, Carrera et les petits Porsche. Kiffes les Kaira, la Nike. Quand ça défouraille les magnums de Sky, boy. Fais attention, mauvais garçon. Je connais la chute, boy. Si le son est bon et que t'apprécies, c'est un bad boy. Tu cherches la maille, le pactole. Jamais tu braques, boy. Mets de la vie d'un bad boy. Fini comme un bad boy. Fais attention, mauvais garçon. Je connais la chute, boy. Si le son est bon et que t'apprécies, t'es un bad boy. Tu cherches la maille, le pactole. La nuit tu braques, boy. Mets de la vie d'un bad boy. Fini comme un bad boy.